Et nous retrouvons Franck Ferrand aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Quel 19 avril avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 19 avril 1956, le jour d'un mariage de légende, l'union d'un prince glamour et d'une star de cinéma. Aujourd'hui, Renier III de Monaco épouse Grace Kelly. Les objectifs et les caméras du monde entier, vous l'imaginez bien, sont braqués sur le rocher. À Monaco, on respire enfin parce qu'il faut vous dire que Renier avait 33 ans. Il règne depuis 7 ans et n'avait toujours pas trouvé chaussures à son pied. Oui, mais c'était pas faute de chercher, hein, Franck. Alors, on peut le dire, oui, le prince aura multiplié les aventures, notamment avec l'actrice française Gisèle Pascal, mais il ne franchit jamais le pas. Au désespoir de ses proches, le milliardaire grec Aristote Onassis a même tenté de lui faire épouser Marilyn Monroe en vain. Finalement, c'est une autre star américaine. C'est Grace Kelly, l'actrice fétiche d'Alfred Hitchcock, que Renier va choisir. Mais comment se sont-ils rencontrés ces deux-là ? Oh, ils se sont rencontrés au festival de Cannes en 55. Ils participaient tous les deux à une séance photo organisée dans les jardins du palais à l'initiative du rédacteur en chef de Paris Match, de Pierre Galante. Un an plus tard, les voilà donc tous deux à bord du paquebot Constitution pour une arrivée spectaculaire. Onassis, toujours aussi discret, va faire pleuvoir des œillets blancs et rouges aux couleurs de la principauté sur toute la baie de Monaco pour accueillir le nouveau couple du siècle. Le 17 avril a lieu la présentation monégasque. Le 18, c'est le mariage civil. Et donc, en ce 19 avril 1956, la célébration religieuse. Grace et Renier auront trois enfants, Caroline, Albert, l'actuel prince souverain, et Stéphanie, bien sûr. Et ils sont restés mariés combien de temps ? Ils vont rester mariés 26 ans jusqu'à la mort tragique de Grace Kelly, de la princesse Grace, dans un terrible accident de voiture. Ça, c'était en 1982. Ouais, accident qui a fait de nombreuses polémiques, d'ailleurs, pour savoir qui était au volant. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1 ? Oui, pour une heure consacrée à l'un des protecteurs de Léonard, César Borgia.